Vulnérables animaux! Ressort! Vulnérables animaux! Mecha! Nous poker! Et nous poker! La la la la la la la la! Je m'anime l'eau! Avec God et la merde pédagogique! Oh no!